romans, BD, documentaires, livres pour enfants ou guides de voyage. C'est Qui ou Quoi sur Radio Dio, une demi-heure pour vous parler de livres à lire tout à l'heure avant d'aller se coucher ou demain à n'importe quelle heure de la journée. Ce soir, dans Qui ou Quoi, je suis seul pour vous parler de bouquins. Donc ce soir, plusieurs livres, deux romans, et puis on ne va pas déroger à la règle de la BD Tech idéale de Qui ou Quoi. Alors, ça fait maintenant 3 émissions que je veux vous faire une spéciale déprime et vous parler de livres que j'ai sur ma table de nuit qui parlent de réchauffement climatique et autres fins du monde programmées. Sauf qu'en bon humain, je procrastine la chose. On sait jamais si j'arrivais à faire changer les choses en parlant sur Radio Dio. Donc, je n'arrive pas à la faire cette émission. Je temporise, un peu comme ce qu'on fait d'une manière générale face au changement climatique d'ailleurs. Donc au final, je suis pile poil dans la thématique. Mais bon, en attendant, je vais vous parler d'autre chose, d'autres livres, et ce soir, c'est gratiné. Je vais vous parler d'une espèce de manuel pour être proxénète, Pimp de Iceberg Slim, d'un mode d'emploi pour être dealer, Cocaine Blues de Robert Sabag, et puis pour finir en beauté, un peu de pédophilie et d'inceste avec Daddy's Girl de Debbie Drexler. Paye ton programme, allez, c'est parti. Il y a maintenant quelques années, au détour d'un forum, c'est dire comme ça fait longtemps parce que les forums ne courent plus trop l'internet de nos jours, à part si on s'intéresse au Hellfest, mais ça c'est une autre histoire. Bref, sur un forum, j'ai entendu parler de ce livre qui s'appelait Pimp. C'était censé être un polar, super noir, et surtout, dans un sujet du forum qui en parlait, il y avait pléthore de commentaires dithyrambiques. Toujours est-il que ce livre, qui a aussi beaucoup influencé la culture rap apparemment, les rappeurs Ice Cube et Ice-T ayant tous les deux choisi leur patronyme en hommage à celui d'Iceberg Slim, l'auteur, donc quand on voit le contenu du livre, ça en dit long sur les personnages, en tout cas je sais que moi qui ai écouté beaucoup Ice Cube et Ice-T, quand j'ai appris ça, ça m'avait donné une raison de plus de le lire, ce fameux Pimp. Donc, suite à tout ça, j'avais un peu fait d'autres recherches sur internet, j'avais lu des trucs genre c'est un chef-d'œuvre, etc. Et donc j'en avais appris suffisamment pour me donner envie de l'acheter assez rapidement. Le titre complet du livre, c'est Pimp, Mémoire d'un macro. À partir de là, tout est un peu dit. Ce livre, c'est donc l'autobiographie romancée de son auteur, Iceberg Slim, qui a passé une bonne partie de sa vie à prostituer des femmes. Tout un programme. Une plongée dans le côté obscur de l'âme des hommes. Alors, non pas que je sois particulièrement fasciné par ce genre d'homme, le proxénétisme me dégoûte franchement, mais c'est vrai que j'aime me confronter à ce genre de truc un peu trash en littérature, à ces mauvais genres. CF, la Vespasienne, il y a 2 semaines. Bref, avant de l'acheter, j'ai pas mal fantasmé, et je crois que je m'attendais à une espèce de Last Exit to Brooklyn, d'Hubert Selvig Jr., pour ceux qui l'ont lu, mais en autobiographie. Donc, je m'attendais à être traumatisé, puissance 20 000. Mais bon, arrêtons là le suspense, et je vous avoue qu'il n'en a rien été. Avant de continuer à parler du livre, on va parler un peu de l'auteur, ce fameux Iceberg Slim qui a inspiré tous les rappeurs. Il est né en 1918 à Chicago, et après une enfance difficile, Robert Lee Maupin, ça dépend d'où on se place et comment on a envie de le prononcer, c'est son vrai nom, va se tourner vers la carrière de proxénète pour gagner de l'argent sur le dos des femmes. Et puis, après plusieurs années de cette vie, quelques passages en prison, à 42 ans, il décide de se ranger, de vivre une vie normale et commence à écrire. Son premier roman, c'est Pimp, dont je vous parle ce soir, qui documente et raconte donc toute la première partie de sa vie. Et puis après, il a écrit une petite dizaine de livres inspirés de sujets différents. D'après sa fiche Wikipédia et pas mal d'autres sites, il est l'un des auteurs afro-américains les plus influents du XXe siècle grâce à ce fameux premier livre, Pimp. Alors, nous voilà devant ce livre. Cette espèce de monument, d'après pas mal de personnes. Bien sûr, tout ce que je vais vous dire ne reflète que mon avis. Mais alors moi, ça ne m'a absolument pas convaincu. Et ça tient à quelque chose. La première, c'est que je marche énormément à l'empathie. Et là, on peut vraiment pas dire que je m'identifie ou que j'ai une once d'empathie pour Iceberg Slim. Construire sa réussite personnelle sur l'exploitation des autres, c'est rien de dire que ça me fait gerber. Et là où on est quand même au niveau ceinture noire de l'exploitation de l'homme par l'homme, et même pire, de la femme par l'homme, et là, on en est là. Et il a beau enrober ça avec des punchlines, des traits d'esprit, voire même un peu d'autodérision, le livre se présente quand même pas mal comme une espèce de mode d'emploi, assez dégueulasse et cool en même temps, pour proxénète en herbe. Alors, c'est vrai que j'attendais pas spécialement d'Iceberg Slim qu'il fasse un repentir en bonne et due forme. Mais alors vraiment pas. Je pense qu'il est sincère dans sa démarche de se présenter sans phare, sans excuse et aussi détestable qu'il a pu vraiment l'être. Et encore, je pense qu'il devait être encore pire. Mais le côté confession sans concession n'a absolument pas marché sur moi. Et je pense que, contrairement, et là c'est le deuxième point, contrairement à ce que j'ai pu lire un peu par-ci par-là, c'est parce que je trouve que le livre il est plutôt mal écrit. Enfin, ou plutôt mal traduit. J'ai lu que la version française, ou en fait peut-être les deux, hein, mais comme j'ai lu que la version française. Parce que, bon, moi j'aurais tendance à mettre ça sur le dos de la traduction. Parce que c'est le style qui m'a empêché de rentrer dans le livre. Par exemple, je vous donne un exemple. À chaque fois, le Iceberg Slim traite les femmes avec qui il fait travailler de l'usage par des pétasses, au lieu de, je pense que dans le livre original, c'est des bitches. Et ça rend la traduction assez peu pertinente. Et en fait, il n'y a aucune flamboyance dans le style, alors que je pense qu'il y ait ce style, cette flamboyance au départ dans le livre. J'ai lu quelques critiques en préparant l'émission qui justement encensaient le style d'Iceberg Slim. Mais moi, vraiment, j'ai rien vu de tout ça. C'est écrit fascinant, effrayant, prodigieux. Tout ça, c'est écrit sur le livre, tiré de citations de magazines. Bon, après, on sait ce que ça vaut, ce genre de citation. Mais c'est dommage, parce que moi, j'ai l'impression d'être complètement passé à côté. Et je vous avoue que je me suis même ennuyé. Reste quand même que le livre est une plongée dans un monde souvent documenté, le monde de la prostitution, qui est utilisé dans la fiction, dans plein d'œuvres. Mais en tout cas, la prostitution n'est jamais abordée de ce côté-là. Le proxénète n'est jamais vraiment décrit. Et en fait, je pense que pour ça, le livre il a effectivement marqué. Parce que ça va être dur de décrire un proxénète autrement. D'ailleurs, à bien y réfléchir, je pense que Pimp est la matrice de tous les personnages de proxénètes de tous les films et livres du monde, sans être jamais cité. Alors, entre classique annoncé et livre mal traduit, en fait, je vais vous laisser là-dessus. À vous de le lire pour vous faire votre avis. Écrivez à l'émission, à la radio, qui transmettra. And I heard, as it were, the noise of thunder, one of the four beasts saying, come and see. And I saw, and behold, a white horse. There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup, or disappear into the potter's ground when the man comes around? Hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. Till Armageddon, no shalom, no shalom. Then the father hen will call his chickens home. The wise men will bow down before the throne. And at his feet they'll cast their golden crowns. When the man comes around, whoever is unjust, let him be unjust still. Whoever is righteous, let him be righteous still. Whoever is filthy, let him be filthy still. Listen to the words long written down. When the man comes around. Hear the trumpets, hear the pipers. 100 million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. In measured hundredweight and penny pound. When the man comes around. And I heard a voice in the midst of the four beasts. And I looked, and behold, a pale horse. And his name that sat on him was Death. C'était Johnny Cash avec The Man Comes Around. Et on est de retour sur Kiwkwa, dans Kiwkwa plutôt, sur Radio Dio 895. On parle de bouquins et après Pimp d'Iceberg Slim et son proxénétisme aggravé, on parle un peu de drogue et de logistique. Le second livre dont je vais vous parler ce soir, ça s'appelle Cocaine Blues par Robert Sabag. Pour la petite histoire, j'en ai toujours une petite. Ce livre, je l'ai acheté à la librairie Lady Long Solo à Paris, il y a maintenant fort longtemps, presque 20 ans je crois. Cette librairie, pour ceux qui connaissent Paris et pour ceux aussi qui ne connaissent pas d'ailleurs, se situe dans le quartier de Bastille. On peut largement y aller à pied en arrivant en train depuis Saint-Étienne. Elle est située rue Keller, qui est une vraie rue de n'importe quoi, bobo quoi. C'était la rue de l'ado rebelle apprenti punk à chien, parce que c'est là qu'il y avait la boutique du Goéland par exemple. C'est là aussi qu'il y avait la première boutique Born Bad, un disquaire garage fameux, qui a bougé pas loin il y a pas longtemps, ou les disques du Soleil et de l'Acier. Bon, maintenant on y trouve de quoi faire du cosplay, des magasins de manga et même une boutique de fringues pour chiens, des bars fashion, etc., etc. Dit comme ça, c'est la rue bobo de ouf, et en vrai, bah, je vais pas dire le contraire. Toujours est-il qu'au début de cette rue, il y a la librairie Lady Long Solo, et elle y est depuis longtemps. En théorie, cette librairie, elle est animée par des bénévoles. Elle propose à des petits éditeurs généralement mal diffusés un espace où la totalité de leur catalogue est présentée. J'ai piqué la phrase sur la présentation du site de la librairie. En gros, ce ne sont que des livres sur le féminisme, l'anarchie, le génocide au Rwanda et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ouvrages sur ce qu'il faut savoir sur la drogue. Du manuel pour faire pousser de la beuh chez soi, au festin nu, en passant par Cocaine Blues justement. Et donc moi, c'est là que j'ai acheté le mien. Donc je profite de cette petite histoire à côté pour en placer une en hommage à ces librairies cheloues, comme il n'y en a pas assez, et qu'Amazon et autres sites de merchandising en ligne sont en train de détruire. N'empêche que c'est pas en allant sur internet que je vais ressortir avec Cocaine Blues. Bref. Après cette ode à Lady Long Solo, revenons donc à Cocaine Blues de Robert Sabag, le livre dont je voulais vous parler. Qu'est-ce qu'il nous raconte ce livre ? Il nous raconte la carrière de Zachary Swan, fils d'un colonel et d'une collectionneuse de poils anciens. Ça n'a pas vraiment d'intérêt, mais c'est écrit en quatrième de couve, donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas le répéter. Et ce Zachary Swan, il va se lancer dans le trafic de drogue à la quarantaine, bien tapé. Zachary Swan, il existe vraiment. Au tout départ, Robert Sabag est journaliste, il l'a rencontré plusieurs fois, et il s'est en quelque sorte positionné pour écrire sa biographie. Et là, je peux vous le dire, contrairement à Pimp, le résultat est plus que réussi. Tout cela se passant avant les années 60 et la prise en main du trafic de drogue à grande envergure par des cartels mafieux, là, on est plus sur l'artisanat qui commence très très petit pour finir en bien plus grand. Je repense d'ailleurs régulièrement à une des scènes du livre qui m'a un peu traumatisé. C'est une des premières fois où Zachary Swan fait passer de la drogue à la frontière. En fait, il va à Amsterdam et ensuite il se fait un paquet rempli de bœufs. Il va à la poste et se l'envoie à son adresse aux États-Unis sans le nom de l'expéditeur. Donc si le paquet se fait intercepter, personne ne sait qui l'a posté. Et s'il le récupère, eh ben c'est tout bénef. Ça m'avait énormément marqué parce que je me souviens aussi tellement de mes amis de lycée qui étaient allés faire une virée à Amsterdam et à la frontière hollandaise, qui avaient allé tout leur shit de peur de se faire choper par la police à la frontière et qui s'étaient retrouvés tellement mal. Au final, en réfléchissant un petit saut à la poste et tout allait bien. Comme Pimp, le livre dont je viens de parler précédemment, on a quand même affaire là à une espèce de manuel. Mais cette fois, c'est celui du petit grossiste en drogue. Et bon, je vous avoue que c'est pas piqué des verres, dans le livre en tout cas. Zachary Swan étant un personnage haut en couleur, sur ce coup-là, on est quand même moins dans les tréfonds noirs de l'âme, et c'est peut-être aussi pour ça que je trouve celui-là particulièrement réussi. Je le dis et je le répète, ça n'est que mon avis. Mais en fait, et j'en reviens encore à ce truc, je pense qu'il y a une bonne raison à cette réussite. Et cette raison, eh ben, comme pour le livre précédent, c'est la traduction. Loin d'être traduit par un inconnu, Cocaine Blues est traduit en France par Philippe Garnier. Alors Philippe Garnier, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un journaliste, écrivain, qui a beaucoup écrit pour Rock'n'Folk dans les années 70, et il a vraiment réussi le truc de la traduction. Là où tout sonne un peu faux et forcé à cause de la traduction dans Pimp, ici c'est vraiment pertinent, fun, et pour le coup, rock'n'roll. Il y a plusieurs scènes qui restent gravées dans la mémoire, et on n'arrive pas vraiment à en vouloir au personnage principal, alors qu'à l'instar d'Iceberg Slim, c'est quand même une bonne crapule. Mais une crapule fun. Ah bon, ça en dit long sur mon cynisme en fait, je crois. De toute façon, on est ici sur une histoire vraie, romancé par quelqu'un d'extérieur. Robert Sabag a sûrement voulu rendre le livre divertissant là où Iceberg Slim a sûrement voulu dépeindre au plus près la noirceur de ce qu'il avait vécu. En tout cas, moi, perso, j'ai préféré me plonger dans l'histoire de Zachary Swan, et c'est sûrement parce que je préférerais être dealer que proxénète. count to all, but I. C'était Rendez-vous avec le morceau Sentimental Animal. On est de retour dans Qui ou quoi sur Radio Dio 89.5. On finit de parler de bouquins après Pimp d'Iceberg Slim et Cocaine Blues de Robert Sabag. On ouvre la BD Tech idéale de Qui ou quoi avec Daddy's Girl de Debbie Drexler. Comme je l'ai évoqué en introduction de l'émission, je ne vais pas vous cacher que cette émission se sera vraiment faite dans la douleur. Je ne lis pas tant que ça, et même si j'ai pris un plaisir énorme à venir parler de bouquins à la radio, l'accouchement des chroniques se fait toujours un peu dans la douleur. Mais bon, je ne suis pas là pour me plaindre, et en fait, si je dis ça, c'est qu'une fois que j'ai décidé que je parlerai de Pimp et Cocaine Blues, j'ai cherché un troisième livre pour clore l'émission. Si possible, une BD pour la BD Tech idéale, et je n'ai rien trouvé qui aurait pu correspondre à l'espèce de thème qui se dégage des deux premiers livres, à savoir une certaine forme de manuel de malhonnêteté. Ou plutôt une absence de compassion envers le genre humain, enfin bref, j'ai eu beau chercher, je n'ai pas trouvé. Et puis m'est venu un titre qui a plus à voir avec les tréfonds obscurs de la nature humaine. Je vais donc vous parler de Daddy's Girl de Debbie Drexler, sorti à l'association en 1999. Daddy's Girl est un recueil d'histoires courtes qui sont parues dans des journaux indépendants au début des années 90. Sur la couverture, on voit une petite fille d'environ 10-12 ans qui lit un livre au pied de son lit, et derrière le lit, la porte est entrouverte, la porte de la chambre est entrouverte, et on voit son père en débardeur qui fume et qui attend on ne sait quoi. Pour les moins anglophones d'entre nous, Daddy's Girl veut dire la petite fille à son papa. Et puis, la BD commence. Première histoire, les deux sœurs sont dans leur chambre, chacune dans leur lit à l'heure du coucher. L'une ne veut pas éteindre l'autre, la lumière, l'autre aussi. Elles finissent par éteindre la lumière, et puis quelques temps après, le père rentre dans la chambre, chuchote le nom de Lily, celle qui ne voulait pas éteindre. Il sort son sexe et se dirige vers la tête du lit. Dès les premières cases, on tombe dans un tourbillon de malaise. Daddy's Girl, c'est donc la chronique de l'enfance et l'adolescence d'une jeune fille, Lily, dont le père abuse. Et donc on suit sa vie de tous les jours. Les prises de bec avec ses parents, l'école à cet âge-là, 12 ans environ, les premiers amours, les relations avec sa sœur, avec les copains, etc. Et en fait, loin de se concentrer ou de s'apesantir sur les premières pages qui sont vraiment traumatiques et qui vont un peu revenir par la suite, D.B. Drexler, en fait, elle déroule le quotidien d'une adolescente. Sauf que ce que personne ne sait, nous on le sait. Et puis, comme j'ai dit, régulièrement le père revient. C'est juste horrible, à la limite de l'insoutenable. En fait, on n'est pas dans une... Le dessin n'est pas figuratif. Enfin, on suggère plus qu'on ne voit, même s'il n'y a aucun doute sur ce qui se passe. Et ce dessin de D.B. Drexler, justement, il est extrêmement personnel. Il est très fouillé, il n'est pas très réaliste, mais il est très stylisé, très BD1D. Un peu, on va dire, vraiment pour caricaturer, un peu comme du Picasso, mais c'est vraiment très très très caricaturé. Donc très BD1D pour ceux à qui ça va parler. Les proportions des personnages ne sont pas forcément respectées, les décors sont simplistes et en même temps très fouillés. Moi je trouve que les dessins sont extrêmement beaux. Ils laissent transparaître fragilité, émotion quand il le faut, et puis l'horreur. Le style du dessin, en fait, même s'il y a une trame, le style il change d'une histoire à l'autre. Certaines histoires sont en noir et blanc, d'autres en couleur, mais il y a une vraie cohérence et une vraie réussite dans tout ça. Comme je l'ai souvent dit dans d'anciennes émissions où j'ai déjà eu à parler de livres de l'association, à l'époque de la sortie du livre, l'association s'était fait une spécialité de la BD autobiographique, avec sa collection Ciboulette, dont fait d'ailleurs partie Daddy's Girl. Et ici, le personnage principal, il s'appelle Lily et pas Debbie. Sauf qu'assez rapidement, on comprend que tout est inspiré en fait d'une expérience autobiographique. C'est ce qui rend le résultat d'autant plus fort. D'ailleurs, D.B. Drexler ne s'en cache absolument pas, même si je me souviens qu'elle avait dit dans une interview que la BD avait été créée dans une espèce de transe et qu'elle ne se souvenait pas spécialement d'avoir été victime d'inceste. Que c'était sorti comme ça, en faisant cette BD, qu'au départ elle voulait mettre son nom, son prénom, puis en fait elle a changé le truc pour pouvoir soutenir en fait un peu de distance vis-à-vis de ce qui se passait, tellement c'était dur quoi. Mais c'était sorti vraiment comme dans le film Pas de prétend pour Marnie d'Alfred Hitchcock, qui parle en fait d'une personne qui a eu un traumatisme et dont elle ne se souvient pas, parce que quand c'est trop dur, des fois le cerveau part en vrille et oublie le traumatisme et il ne réapparaît que sous certaines conditions. Dans le film, je crois que c'est une séance d'hypnose. Ici, ça a été cette bande dessinée. Bon, j'avais pas mon spécialiste Hitchcock sous la main quand j'ai fait la chronique, mais bon, je crois à 80% que c'est pas printemps pour Marnie. En fait, en faisant cette chronique, je découvre que j'ai énormément de mal à parler de ce livre. Parce que le malaise, il est trop là, il est tellement là. Et je relis régulièrement toutes mes BD, vraiment toutes mes BD, toutes les BD dont j'ai parlé ici, je les ai lues au moins deux fois, voire plus, voire même beaucoup, beaucoup plus pour certaines. Mais en fait, je me rends compte que celle-là, eh ben en fait, c'est trop dur, trop puissant, trop malaisant. Et qu'en fait, avant cette chronique, puis d'ailleurs même en préparant cette chronique, je ne l'ai pas relue, je l'ai à peine feuilletée. En fait, en ce sens, je pense que c'est vraiment un livre essentiel pour essayer. Il n'y a rien de plus fort en autobiographie que ce genre de bande dessinée qui manie le dessin et la puissance du propos, la puissance du traitement, enfin, il y a un peu tout, quoi. Je pense que, comme moi, il faut le lire absolument une fois dans sa vie. C'est donc la fin de l'émission, qui ou quoi pour aujourd'hui. Je vous ai parlé donc de trois livres. Le premier, Pimp de Iceberg Slim, qui est disponible en poche chez Pocket, je crois. Le deuxième, Cocaine Blues de Robert Sabag, qui lui est disponible chez Folio en poche aussi. et le dernier, David Rexler, qui est disponible à l'association, une bande dessinée. Donc bon, il faut lire les trois, hein, même si le premier, j'ai pas forcément accroché. Au final, c'est quand même un livre qui m'a marqué, vu que j'ai pensé que c'était suffisamment important pour vous en parler. Depuis un certain temps, je tournais autour avant d'en parler dans l'émission. Bref, qui ou quoi pour ce soir, c'est fini. On revient dans 2 semaines avec mon collègue Vincent pour un cercle où on parlera de bande dessinée encore. La semaine prochaine, c'est Radio Gaga qui prendra le créneau. Normalement, à 10h, vous retrouverez comme à la radio duo. En attendant, passez une bonne soirée et à bientôt.